En Corée du Sud, l'organisation civile Les gens pour la paix et la réunification a organisé le 30 août, devant le siège du ministère de la Défense, le 172e meeting pour la paix et le désarmement et y a critiqué la conduite des autorités militaires qui ont choisi le troisième emplacement de la disposition de SAD et qui effectuent l'enquête sur le lieu.